sala nzambe ngolu na yo ebolingo na yo nzambe ekomisinga ekela muya sika yo nzambe otonda na mawa kumama yo elonga nanga pano pesa yo nini Yesu. mo sindo na bimina kangola mina kutuma. Na koti mo sindo amfutemo na salaki nango ekweya. Na koti lisusu na bimina kati ya servitude. Na zindi makasi mapamboli nanga inyoso ezongie. Yango na eko kumisa mwana nzambe. Tika na embela Yesu. Yesu, soki otiki ngai na kokwea.

toza kolala e Kosi na yuda komi na note bandeko toza koreve Alo baki na tango ya suka mingi bakolanda kosa mabe Dilenge boke bana bato ya lokuta kolo yesu azali koya e Komina no te bandeko, oza kodore Oho senjela, kengela, akozonga na kwasa Mibomba mibatela, na makamo na mokili mibatela Azalikuya, banganzambe, wanazambe Oko kene na lola, banganzambe Kozomba Azalikuya Banganzambe gloire, l'honneur à Jésus-Christ. La louange, la gloire, l'honneur à Jésus-Christ. Jésus, la joie, la tobine, la Jésus.